Micro ouvert. T'as un message pour les générations à venir ? Franck, le page, ça dure 4 minutes. Et oui, désolé pour la musique bidon, c'est pas de mon ressort, ça. Non, non, je suis totalement pessimiste. Enfin, je veux dire, je suis beaucoup plus pessimiste que les pires des effondriers, des collapsologues, là. Enfin, je veux dire. Mais ça fait un moment que je suis comme ça. Enfin, je veux dire, en 85, il y a une nana qui s'appelle Viviane, l'horreur économique Viviane Forrester. En gros, elle pige un truc. Elle dit, ok, on est à 10% de chômeurs. Elle dit, vu comment ça, c'est en train de se dessiner avec les suppressions de postes et avec l'informatique qui remplace tout ça, on va aller vers beaucoup plus. On va aller rapidement vers 25% de la population qui est complètement hors jeu. Alors la question qu'elle pose, c'est tant qu'on est dans une société démocratique, classique, on prend ces gens en charge. Si le système bascule, s'il cesse d'être démocratique, qu'est-ce qu'on fait de la population en trop ? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Vous connaissez la blague de l'optimiste et du pessimiste. C'est un optimiste qui rencontre un pessimiste. Et donc le pessimiste lui dit, oh là là, c'est catastrophique, ça va pas, ça peut pas être pire, ça peut pas être pire. Et l'optimiste répond, mais si. Et je pense que ça va être dingue, si tu veux. Donc moi, j'ai une seule solution, la révolution. Enfin, j'ai pas d'autre truc, si tu veux. Et donc, je ne crois qu'à une seule chose, c'est la révolution, et la révolution violente. C'est-à-dire que la seule chose qui nous sortira de la merde, c'est la violence. Donc l'activisme d'aujourd'hui, l'activisme non violent, en fait, tu crois que ça sert à quelque chose ? L'activisme non violent ? Ouais. Non. Ça sert à rien ? Ça sert pas à rien. Je suis pas du tout pour la non-violence. Attention, faut qu'on se mette d'accord. Hein. Je vous parle de la violence révolutionnaire. Hein. Je veux dire, moi, je suis comme tout le monde. Hein. J'aime pas la violence. Hein. La question que je pose, c'est la question de la violence révolutionnaire. C'est-à-dire face à la violence d'État qui se traduit par la démolition complète de l'hôpital, par toutes ces choses-là, je ne crois pas à l'activisme non-violent, bien sûr. Je veux dire, cette blague, cette fable que Gandhi a chassé les Anglais. Je veux dire, ou Martin Luther King, le pauvre Martin Luther King, il est choisi par le pouvoir présidentiel américain pour calmer le jeu parce que les Black Panthers et tous les autres sont en train de faire péter partout à coups de dynamite. Je veux dire, bon bref, mais ce qui arrête la guerre du Vietnam, c'est pas le flower power. Enfin, je veux dire, je crois qu'il y a 256 bâtiments qui volent en éclats sur les universités américaines qui sont dynamités. Enfin, tu vois. Mais bon, donc la violence révolutionnaire, c'est la seule solution. Mais c'est une violence qui est une violence collective. Quand je vois qu'on a pleuré sur le Fouquet's, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du Fouquet's ? Enfin, je veux dire, c'était un bonheur, le Fouquet's. Mais alors, après, c'est illégal, on est d'accord. Enfin, dans un système de démocratie représentative, la violence révolutionnaire est totalement illégale. Donc ça veut dire que si t'es pour la violence, t'es pour une violence illégale. C'est-à-dire que tu te mets hors la loi, même déjà en l'affirmant. Tu peux aujourd'hui te faire condamner pour des attentats, pour des propos qui sont des propos d'appel à la violence, d'appel à, etc., etc., à la sédition. Mais ça a toujours été le cas. Enfin, je veux dire, avant l'instauration du droit de grève en France, l'appel à cesser le travail était puni de 25 années d'emprisonnement. L'appel à cesser le travail. Tu pouvais faire 25 ans de tôle. Donc, si tu veux, la question de la violence révolutionnaire, c'est qu'elle est toujours en avance sur le droit. C'est la violence qui fait advenir le droit. On connaît aucun moyen. Enfin, la violence est nécessaire pour acquérir des droits sociaux. Il n'y a aucun droit social qui a été acquis sans violence. Ça n'existe pas. L'avortement, quel que soit le truc que tu prennes, c'est le patronat ne s'est jamais levé un matin en disant « Tiens, je vais leur filer une nouvelle semaine de congé payé. Tiens, ça va leur faire plaisir. » Enfin, ça ne se passe pas comme ça. Il faut une grève générale. Il faut bref. Donc cette question de la violence, elle est très ambiguë. C'est pour ça que je ne suis pas en sympathie avec les non-violents. C'est parce que les non-violents condamne moralement la violence. Et à mon avis, ils commettent une erreur stratégique fondamentale. C'est-à-dire, ils condamnent le fait violence. Mais c'est débile. Enfin, je veux dire, c'est complètement con. Enfin, s'il n'y avait pas eu de violence, il n'y aurait aucun acquis. Donc, si tu veux, le problème, c'est un problème après de stratégie politique. C'est parti. Alors, on se retrouve. On situe le sur la carte géographique, oui, le camping, oui. Le maquis. Le maquis, on peut dire, c'est dans le département de l'Hérault, à presque à la pointe de l'Hérault qui touche d'un côté l'Aude et de l'autre le Tarn. Et le maquis, ça se trouve sur. C'est un hameau de la commune de Minerve. Ce qui n'a rien à voir avec la déesse, c'est la francisation du nom de Minerva qui veut dire le caillou, le rocher, ou voilà. D'accord. Et donc c'est un camping, le maquis, et moi je te rencontre Suno, on t'appelle comme ça. C'est mon prénom. Voilà. Parce que tu. On m'a dit que tu gérais une bibliothèque anarchiste. Alors je ne la gère pas encore parce qu'elle n'est pas encore en fonctionnement. Mais je me suis occupé de faire construire ici le local de la bibliothèque qui fait environ 75-80 mètres carrés, à laquelle est attenante une cabine de projection. Parce que la salle fera à la fois bibliothèque et à la fois salle, petite salle de cinéma. Et il s'agit de projections en argentique. On aura un projecteur 35 mm. Et un projecteur 16 mm en argentique. Évidemment, de la vidéoprojection aussi. Mais on a un grand faible pour l'argentique. Pourquoi c'est une vieille manière de regarder les films. Ouais, c'est une vieille manière et surtout, ça donne des images beaucoup plus... Il y a plus de profondeur de champ. Il y a un grain, je ne sais pas. C'est la même différence qu'entre un vinyle et un CD, quoi. Il y a plus de présence dans un vinyle, même si c'est moins propre, c'est beaucoup plus présent. Et c'est pareil avec l'image. Et quoi, par exemple, cette bibliothèque de livres, ça représente combien de livres ? Alors, cette bibliothèque, maintenant, au départ, au moment où on a attaqué la construction du lieu, on avait à peu près 5000 livres en attente, dans des caisses, des cartons. Depuis, on nous en a donné et d'autres nous ont été promis, on voulait nous les donner, mais comme on ne savait plus où les mettre tant que le local n'était pas construit, on a dit aux gens de les garder. Donc on est peut-être à 6000. Bon, après, ce n'est pas dit qu'on va garder les 6000 parce qu'il y a des doublons, il y a des choses qui vont peut-être nous paraître moins intéressantes à garder puisqu'il y a des problèmes d'espace, bien évidemment. Mais enfin, c'est de l'ordre au moins 5000 ouvrages, quoi. Oui, c'est ça, de l'ordre de 5000 ouvrages, c'est quand même balèze hein, sur le thème de l'anarchisme. Oui, enfin, pas uniquement, c'est une bibliothèque parfaitement orientée, on y trouvera tous les classiques de l'anarchisme, Bakounine, Reclus, Kropotkin, Malatesta, enfin je ne vais pas les citer tous parce que j'en oublierai de toute façon. Mais voilà, mais il y a aussi... Il y a des ouvrages sur les mouvements ouvriers, sur des mouvements paysans, sur les révolutions. Et il y a un petit département, je dirais, sur l'agriculture et la santé. Comment la conserver ? La bibliothèque se veut être un outil pour continuer à avancer ou re-avancer. Et avancer vers où ? Et j'allais le dire, vers l'autonomie individuelle et collective. C'est-à-dire vers l'idéal anarchiste qui cherche l'harmonie entre l'individu et le groupe, toujours. C'est ce qui distingue, c'est un des caractères, ou le caractère fondamental de l'anarchisme. C'est ça, quoi. Et quoi, ça veut dire que toi, tu t'es penché sur la question, tu t'es intéressé à ça ? Comment on fait pour avoir 5000 livres ? Quoi, c'est au fil des années ? Comment ? Ah, c'est au fil des années, oui. J'ai commencé... Excuse-moi. J'ai commencé par recueillir des livres de vieux militants anarchistes espagnols, quand ils venaient à disparaître. Comme qui, par exemple ? Oh, c'est pas des noms connus, hein. Après, je citerai d'autres qui ont donné des bouquins, mais des militants de base, quoi, de la CNT, des anarcho-syndicalistes. Et quand j'ai commencé à voir certains héritiers qui mettaient tout ça à la poubelle, je me suis dit, oh là là, ça, il faut les garder, parce qu'il y a des choses précieuses là-dedans. Et donc, après, on a eu des dons de gens vivants. On a eu, par exemple, Enfin, il était encore vivant, mais lui, on a fini d'avoir une bonne partie de son stock après sa mort. C'est Alexandre Skirda, qui est un anarchiste, fils d'un Ukrainien ou d'une Russe, ou l'inverse, à chaque fois je m'en mêle les crayons, anarchiste, et qui a écrit quelques bouquins qui ont notamment contribué à bien faire connaître à nouveau Nestor Makhno en France, et toute l'histoire d'Ukraine, la révolution russe, la commune de Kronstadt, voilà, tous les épisodes de la révolution russe, où les anarchistes ont dérouillé après avoir été au premier rang. Ont dérouillé ? Dérouillé, c'est-à-dire, en Ukraine, Makhno a sauvé la mise à plusieurs reprises, et après, l'armée rouge lui tombait dessus, alors qu'ils étaient alliés. Mais dès que les Blancs ont été vaincus, l'armée rouge lui tombait dessus, parce qu'évidemment, pour un gouvernement qui veut établir la dictature du prolétariat, disait-il, c'est-à-dire en réalité la dictature sur le prolétariat, les anarchistes, c'était insupportable. Il fallait les éliminer, quoi. Ce qu'ils ont fait. Et en Ukraine, et à Kronstadt. Et à Kronstadt, alors là, c'est, je ne dirais pas comique, mais le massacre final de la commune de Kronstadt, c'est le 18 mars 1921, le jour même où les bolcheviks hissaient les drapeaux pour célébrer la commune de Paris. Voilà, tu vois, c'est quelque part un peu rigolo, quoi. Ouais, ouais. Et comment ça se fait que tu t'intéresses à ça? C'est quoi un peu le fil de ton histoire là-dedans, quoi? Le fil de mon histoire, c'est que déjà, je suis né là-dedans, quoi. Mes parents étaient des réfugiés espagnols de la guerre d'Espagne. Parce que l'Espagne, ici, n'est pas loin. Hein. Ici, elle n'est pas loin, non. J'ai pas toujours été aussi près. J'ai longtemps vécu à Paris, mais ici, on est plus près de Barcelone que de Paris. Ici. Oui, nettement même. On a moitié moins de temps pour aller à Barcelone que pour aller à Paris. Peut-être même pas moitié. Ouais. Ouais, donc, tu es né dans un milieu politisé. Voilà, dans un milieu politisé, anarchiste même. Et donc, ça m'est rentré, j'ai pas appris, c'était au quotidien, comme tu apprends à marcher ou à faire pipi. Hein. Moi, je l'ai vu dans le sein de ma mère, parce que des fois, il y a des copains, ils me disent, oh, c'est bien, j'ai pas fait beaucoup d'efforts. J'ai des copains qui se sont tapés le séminaire et qui sont athées, je trouve qu'ils ont fait beaucoup plus que moi, même si j'en sais plus qu'eux, tu vois, c'est... Voilà. Ça veut dire que tes parents étaient déjà dans le bain de l'anarchisme, c'était ça qui c'était leur vie. Ils arrivaient d'Espagne, quoi. Ils avaient fait la guerre d'Espagne. Et ils avaient grandi bien avant déjà. Et quoi, tu t'es d'accord de prendre? Mais tu veux qu'on s'asseye un peu? Comme tu veux. Non, moi, c'est comme tu veux, vraiment. Hein. On peut marcher par exemple jusqu'à la bibliothèque. Ou tu préfères être assis pour te concentrer, tu vois, moi je sais pas. Hein. Non, j'aime bien marcher. Mais sur la carte du monde, l'anarchisme qui a vraiment pris, comment dire, qui a... deux endroits où historiquement. Enfin, où il a pris, il y en a d'autres, mais où il y a eu vraiment une expérience de réalisation anarchiste, c'est l'Ukraine, en Russie, à l'époque, et l'Espagne. Et là où ça a duré le plus longtemps, c'est l'Espagne, quoi. Parce que... c'est parce qu'il était déjà bien implanté, et si c'est implanté si bien en Espagne, c'est probablement le pays où il s'est le plus implanté. Mais c'est dû à l'histoire de l'Espagne aussi. C'est-à-dire qu'en Espagne, jamais la monarchie espagnole n'a réussi à centraliser comme la monarchie française. De par l'histoire, comme il y a eu ce qu'ils appellent la reconquête, ils étaient pour arriver à avoir du monde, à reprendre les territoires aux arabo-musulmans, ils étaient obligés d'accorder des franchises, des libertés communales, locales. Et donc, ça a donné un terreau sur lequel l'anarchisme théorisé, disons, du 19e siècle, a pu prendre. Mais en fait, c'était déjà dans les mœurs, quoi. Et Et donc, je reviens là où j'avais commencé à partir sur 36, et j'ai dévié. Mais en 1936, par exemple, le soulèvement militaro-fasciste de Franco, c'était un coup d'État. Ça devait être réglé en 24 heures, l'histoire. Mais le syndicat anarchiste, qui était le syndicat le plus puissant d'Espagne, a pu, avec les militants, ont réagi, ils se sont opposés, et ils ont battu l'armée espagnole dans plusieurs endroits. À peu près la moitié de l'Espagne s'est restée à quasiment moitié-moitié au début, juste après le coup d'État, quoi, deux jours après, c'était, il y avait une moitié qui était sous domination des militaires et l'autre moitié qui était sous domination de la classe ouvrière, on peut dire. Et alors quoi, l'anarchisme là-dedans, comment il est arrivé, comment il a fonctionné ? Eh ben là, ce que je connais le mieux, c'est la Catalogne, puisque c'est de là qu'étaient mes parents. Il a fonctionné. Et comment il a pris sa place ? Eh ben, il a pris sa place. Il l'avait déjà pris avant. Il faut dire qu'avant 1936, il y a déjà en Espagne près de 70 ans de culture anarchiste depuis la Première Internationale, quoi. Outre le fait que les mœurs, il y avait déjà des villages coopératifs en Espagne bien avant la Première Internationale. Et donc, quand Bakounine a envoyé Fanel, il a envoyé un délégué de l'International qui s'est réuni avec une douzaine d'hommes. Et c'est parti de là. Et en 1936, il y avait plus d'un million d'adhérents à la CNT, la Confédération Nationale du Travail. Et donc, s'il y a eu le soulèvement militaro-fasciste, c'est justement parce qu'il y avait une révolution qui avançait depuis des années, depuis 1910, à tel point qu'il y avait plein d'endroits où le patronat ne faisait plus ce qu'il voulait dans ses propres entreprises. C'était les travailleurs qui décidaient « Ah, il faut embaucher, on n'est plus assez, il faut embaucher ». En plus, ils disaient qui il fallait embaucher, quoi. Ça, parce que le groupe était fort, quoi. Voilà, il ne se laissait pas faire. Solidaire, voilà. Oui, c'est ça, c'était grâce aux mœurs quotidiennes de la vie, quoi. Quelqu'un qui avait le carnet de la CNT, mettons qu'il habitait à Barcelone, il pouvait arriver à Madrid ou en Andalousie, hop, il allait au local et il était là comme chez lui, quoi. Tout de suite, il était accueilli dans une famille ou une autre. Mais donc l'expérience, tu me dis, si n'aie pas peur de... Non, c'est pas comme ça que c'est passé, mais quoi, moi j'avais toujours entendu, oui, c'est en Catalogne... Qu'il y a eu dans les années 36 une expérience d'un an plus ou moins d'anarchisme et que même les bourgeois avaient peur et ils partaient parce qu'ils avaient peur qu'on pique leur argent ou je sais pas quoi. Oui, bah ça a duré plus d'un an. La guerre a duré 3 ans presque. Et donc pendant ces 3 ans, tout a été mis. Non pas en autogestion, maintenant c'est le terme. Je sais bien ce que les gens mettent en général sous le terme, mais j'aime pas ce terme-là. Parce que l'autogestion, le travail à la tâche, c'est de l'autogestion. Tu le fais comme tu veux, mais tu fais tel truc. Avant, on parlait d'auto-gouvernement. Et gouverner, ça veut dire manœuvrer un bateau. Et quand on parlait de gouvernement, comme on en parle maintenant, on précisait, on disait gouvernement des hommes. Donc voilà. Donc, ça c'est les usines, les ateliers, la plupart des lieux de production se sont mis en autogouvernement, mais parce qu'ils avaient étudié la question déjà depuis longtemps et qu'ils la pratiquaient déjà. Parce que comme je te dis, c'était eux qui décidaient si on embauchait. Et donc, le premier jour, le soulèvement a commencé le 18 juillet. Le 19 à Barcelone, les militaires étaient vaincus. On est en quelle année, là ? En 1936. Et aussitôt, ça, c'est une camarade qui est décédée maintenant, qui me l'a raconté. Elle travaillait dans l'industrie du bois. Elle était tapissière de fauteuils et trucs comme ça. Là-bas ? Là-bas, à Barcelone, ouais. Elle me dit qu'à partir du 20 au 21 juillet, Il y a des commissions qui se sont formées. Ils partaient à deux ou trois. Ils allaient dans les ateliers. Là, je te parle concernant l'industrie du bois. Ça s'est passé un peu pareil dans d'autres. Ils arrivaient dans l'usine ou l'atelier. Qui est le patron ici ? Le patron qui sortait en bombe à le torse. Le vrai patron, on va dire. Le vrai patron. Entre guillemets. Hein, parce que... Voilà. Et là, elle s'entendait dire « Dehors, il n'y a plus de patron !» Excellent. Et quand elle me racontait ça, on avait l'impression qu'elle avait à nouveau 20 ans. Quoi, ouais, tu vois, ça doit être formidable à vivre. Hein, parce que c'est quand même... Je sais que c'est bateau, mais je le dis quand même, c'est la richesse, c'est quand même le groupe qui le produit, quoi. Et le patron, il est là et il attend que la richesse se produise, quoi. Oui, je sais pas si tu peux dire un mot, comment tu vois les choses. C'est exactement ça. Et la richesse, toute la richesse, elle est produite socialement, quoi. Pour ça, les histoires de salaire au mérite et compagnie, ça tient pas debout, c'est de la pure idéologie, ça. Parce que même dans un hôpital... S'il n'y a pas de femme de salle pour nettoyer, le travail du chirurgien, ça ne sert à rien. Parce qu'il va opérer, mais l'autre, il va se faire infecter. Quoi. Oui, parce que souvent, dans les médias dominants, on parle des investisseurs, de l'innovation. Et tu vois, sans eux, on ne serait rien. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Exactement. De nos jours, c'est le capital qui produit. Tu vois, c'est l'argent qui produit, ce n'est pas les gens. Oui, oui. C'est ça, mais c'est bien Ouais, oui, c'est bien de repréciser ça, tu vois, parce que c'est vraiment de l'idéologie, ça, en fait. Exactement, c'est le travail qui produit, c'est pas les morceaux de papier qui s'appellent argent qui produisent quoi que ce soit. Ça, c'est un outil pour mettre ceux qui travaillent en état d'esclavage, ouais. Pratiquement, quoi. Oui, et surtout aujourd'hui, on pompe les travailleurs, quoi. Ça date pas d'aujourd'hui, ça a commencé il y a bien longtemps, malheureusement, mais voilà. Bah, le principe de l'esclavage, c'est ça. Et aujourd'hui, on les pompe, on les rend esclaves avec le crédit. Le crédit, ça t'emprisonne complètement, quoi. Et c'est une vieille technique, on avait déjà inventé la dette pour mettre les gens en esclavage. Il y a un excellent ouvrage qui s'appelle « La dette, 5000 ans d'histoire » d'un Américain qui s'appelait David Graeber, qui est mort il n'y a pas bien longtemps. Voilà. Oui, je vois très bien. Il y a un an, peut-être, un truc comme ça. Et ouais, il explique ça très bien. Parce que, oui, tu dis, ça n'existe... Enfin, l'exploitation des humains au travail, ce n'est pas né d'hier. Non. Mais après, il y a une période comme ça où les exploités commencent à manger la part du gâton. On leur donne des petites miettes comme ça. Je ne sais pas comment tu te racontes. Et du coup, ça va, ils ne vont pas trop se révolter. Tu vois. Et maintenant, quelque part, ils reprennent un peu ces miettes qu'ils ont données. Quoi. Je ne sais pas comment tu racontes les choses. Exactement. Les miettes, ils ont commencé à en donner. Enfin, ils en ont donné des un petit peu plus grosses qu'avant. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, mais disons, quand on dit donner, c'est pas vraiment le terme, c'est que les gens se sont battus pour obtenir ces quelques miettes, quoi. Oui, mais voilà, donc à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient bien obligés, parce qu'il fallait qu'ils se remontent, notamment en France, où la bourgeoisie avait collaboré, on ne peut mieux, avec le nazisme. Donc là, ils ont accordé, ou ils se sont laissés prendre, comme on voudra, quelques miettes supplémentaires. C'est ce qui a donné ce qu'ils appellent les 30 glorieuses, oubliant que pendant ces 30 glorieuses, il y avait des bidonvilles aux portes même de Paris, quoi. Il y avait la main-d'œuvre maghrébine qu'on pouvait maltraiter, parce que comme c'est pas tout à fait des humains, puisque c'est pas des blancs, et voilà. Ouais, ou l'Afrique, pour nous la Belgique, on pillait l'Afrique. Mais les 30 glorieuses, enfin, moi j'avais lu des chiffres, c'est hallucinant le PIB là, le pour, enfin, tu vois, oui, comment on dit, comment la richesse produite, mais c'est hallucinant de lire ça. Hein. Oui, ils ont mis des millions de gens au travail contraint, forcé, quoi. Ça s'appelle le salariat. voilà, c'est ça s'appelle le salariat. Mais est-ce que tu serais d'accord de dire que les premiers Indiens, les peuples premiers, comme on dit Oui, ils étaient anarchistes, c'est les premiers anarchistes pour moi. Je ne sais pas si c'était les premiers, mais ils avaient des mœurs assez proches de ça, oui, oui. Non, mais quand on dit, tu ne sais pas si c'est les premiers, mais quelque part, à la base, on n'a pas besoin de l'État. Non, à la base, on vivait dans nos cavernes, dans la nature, et on apprenait. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On part de là, quand même. L'État, aujourd'hui, tout le monde pense que c'est l'État naturel des humains. Mais l'État, dans toute l'histoire humaine, c'est un tout petit bout. C'est rien du tout. C'est une construction de gens qui ont pris le pouvoir, l'État, en fait. Exactement. Oui, oui. C'est la construction de ceux qui. Bah, c'est l'outil qui permet l'exploitation, quoi, et de la faire apparaître comme quelque chose de légitime. Oui, parce que cet État, il donne quand même des miettes, mais comme ça, il peut faire tout son business tranquille, quoi. Il donne même pas. L'État, il est là pour maintenir la paix, pour qu'on puisse faire travailler les gens sans trop de problèmes, quoi. C'est ça, le rôle fondamental de l'État. C'est ça. Et quand on dit qu'il donne des miettes, il ne donne rien du tout. Parce que déjà, en travaillant, on se fait pomper une bonne partie de ce qu'on fait par le patron. Et après, par-dessus ça, on paye encore des impôts, des taxes et compagnie. Et c'est ça, quand on dit l'État ici, bah il y a un truc qui me fait rire chaque fois que je vous... Ici, l'État travaille pour vous. Oh, tu vois, ouais. Moi aussi, routes, quand je vois le truc, c'est... C'est effrayant. Et donc, chaque fois qu'il fait un cadeau, c'est parce qu'il t'a d'abord pris l'argent dans la poche, quoi. Oui, oui, évidemment, on est d'accord avec ça, mais c'est clair. Il faudrait récupérer tout, hein. Bah oui. Il faudrait récupérer sa capacité de... Comment tu vois... Il faudrait commencer par nous récupérer nous-mêmes, quoi. Ouais. C'est, bah, comme disait... Louise Michel, c'était pas la seule, mais nous sommes les dépossédés, quoi. Dépossédés jusque de nous-mêmes, de ce qu'on fait et de ce qu'on est, même. Mais il y a une volonté pour que ça soit comme ça, pour qu'on soit complètement abrutis à la machine, quoi. On nous dresse comme des animaux de cirque ou des bêtes de somme. Heureusement, il y a des gens qui y échappent. Oui, je ne sais pas... Pourquoi ? Mais il y a des gens qui échappent à toute cette contrainte, tout ce déterminisme fabriqué. Il y en a qui arrivent à échapper. C'est pour que... Il y a peut-être certains humains qui sont aussi forts que les végétaux, quoi, qui résistent à tout. C'est vrai. c'est un peu le lieu ici aussi. C'est ça que ça donne comme impression aussi. C'est un peu une envie d'être... Plus autonome, plus libre, moins dans la machine, quoi. Pas vraiment, parce qu'il n'y a pas moyen d'être vraiment autonome tant que l'État et le capital existent, mais disons qu'on... Mais moins dans la machine. Voilà, un peu moins. On essaie de se faufiler un peu, quoi. Mais quoi, on irait voir le comme ça ? Si tu veux, on va voir la bibliothèque, ouais. Et quoi, il y a... Ça, c'est un... Le projet, l'idée, on va dire, à l'état de quasi-rêve, quand on en a parlé avec d'autres copains, c'était au moment du reflux du mouvement de 68, quand on a vu que ça allait tomber. Et là, en discutant, on s'est dit qu'il faudrait établir des espèces d'arrière-bases pour essayer de maintenir un peu... des braises de ce qui s'était passé en 68 et de ce qui s'est passé bien avant. Et donc ça, c'était... on a discuté de ça, je sais pas, à l'été 68, disons, ouais. Après juin. Et pendant longtemps, c'était une idée comme ça en l'air, quoi. Et puis un jour, quelques-uns d'entre nous... Il y en a un qui a touché un héritage qui permettait d'entrevoir la mise sur pied de l'affaire. Et donc, ça nous amène déjà dans les années fin 70-80. Et la construction du lieu, là, qui est l'élévation d'un étage, d'un bâtiment qui préexistait, et d'une construction en bois et paille, de manière à avoir une très bonne isolation. Je te suis, hein, je te suis, moi je sais pas où je dois. Oui, oui, on va par là. Et donc voilà, on a eu des problèmes administratifs, évidemment, comme tout le monde, pour avoir le permis de construire. Et alors on aurait dû peut-être dire qu'on voulait construire un centre commercial, ça aurait été beaucoup plus vite. Ah ouais, ça c'est sûr. Bon, enfin voilà, là on est en juillet 2022 et on est presque au bout de l'histoire, de la naissance. Ouais, pas de l'histoire. Ouais. Il nous reste, tu vas voir, on va y pénétrer. Et bon, il nous reste un peu à nettoyer le sol après les travaux. Et on va commencer à y mettre les livres d'ici 10-15 jours plus tard. Ah ouais, ouais. Ça avance, quoi. Ça avance, oui. On voit enfin le bout du tunnel. Bon, après, il restera encore pas mal de travail. Waouh! Attends, ça, c'est balèze. Waouh, quelle belle pièce. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et tu vois, là-bas, c'est les deux fenestrons qu'on voit. Là, c'est la cabine de projection. Ah, ouais, ouais, ouais. Et donc, ici, à l'opposé du mur qui sépare de la cabine, il y aura un écran qui pourra monter et descendre et on pourra faire des projections en plus des lectures, oui, et des discussions. Et quoi, et d'ailleurs, à propos de discussions, oui, tu allais demander. Non, vas-y, bon, moi je relance comme ça. D'accord, ouais. À propos de discussions, justement, comme ça a mis si longtemps à se construire. Là, je ne parle pas depuis l'idée, hein, je parle depuis le moment où on a eu les moyens. Ça a encore pris beaucoup de temps. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, ça ne peut plus durer, il faut faire quelque chose, même avant qu'elle soit terminée, quoi. Et c'est là où on a lancé les rencontres du Maquis pour l'émancipation. Là, au mois d'août, ça va être la 6e année qu'on se fait. C'est du 10 au 15 août. On a choisi ces dates parce que c'est le moment où il y a le plus de gens en vacances, donc c'est le moment où le plus de gens peuvent facilement venir. Et il y a des présentations de livres, des conférences, débats, des discussions, des rencontres aussi, parce que le programme est fait de telle façon que ça laisse des trous pour que les gens puissent se rencontrer, et ça arrive. Et en soirée, il y a toujours un concert, une pièce de théâtre, un film. Ouais. Alors, en soirée, il y a des spectacles. Ouais. Il y a deux séances par jour de discussion, de présentation de livres. Mm. Voilà. Et bien évidemment, sur des problèmes sociaux tout le temps. Quoi. Mm. C'est pas pour présenter la Marquise des Anges. Mais ouais. Mais donc, toi, Suno, t'aimes bien, puisque c'est toi qui t'occupes un peu de cette bibliothèque, si j'ai bien compris. Voilà, ici, c'est moi. Il y a plusieurs activités ici au Maquis, et là, c'est moi qui m'en... De ceux qui sont au Maquis, c'est moi qui m'en occupe essentiellement. Quoi. Mmh. Après, sur le projet, je ne suis pas tout seul. Sinon, je n'y serais pas arrivé. Hein. Mmh. C'est un petit groupe quoi, qui soutient, qui... Et donc, on va retrouver ici plus ou moins 5000 livres, et quoi ? Tu les connais ? 5000 livres, il y aura un petit peu d'archives, notamment on aura des courriers concernant la lutte antifranquiste du temps de la clandestinité. Et oui, et un des caractères, voilà, si on voulait monter ça à la campagne aussi, c'était, parce que des bibliothèques, il y en a ailleurs, peut-être pas aussi spécialisées, encore que si. Attends, ici, elle va... Il y a le CIRA à Lausanne, il y a à Amsterdam, il y a le CIRA, c'est le Centre international de recherche sur l'anarchisme. Ah bon ? Il y en a un, le plus gros est à Lausanne, il y en a un à Marseille, un à Limoges. Il y a à Amsterdam le centre Enfin, c'est une espèce d'immense bibliothèque où il y a les archives de pas mal de mouvements ouvriers, les archives Bakounine. Mais pour aller dans ces endroits, il faut soit y connaître déjà quelqu'un pour pouvoir loger et manger pas cher ou avoir de l'argent. Et nous, on avait l'idée de faire ça à la campagne pour que justement des gens même complètement fauchés puissent venir. Si tu viens, t'as rien du tout, et ben, t'aides un peu à la production de nourriture, et puis après, tu peux bouquiner, on peut discuter. C'est génial, c'est très chouette. C'est ça l'idée. C'est pas destiné à la recherche universitaire. S'il y a des chercheurs qui viennent, on va pas les foutre à la porte. Mais ça vise à être un outil pour les gens capables de mener les idées au bout des mains, quoi. Voilà, c'est ça la volonté. C'est vraiment pour faire avancer l'histoire vers là où on aimerait bien qu'elle aille. Oui, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, que ça va devenir important, des lieux comme ici, tu vois, où ce sont des vrais livres, tu vois, c'est pas du virtuel, voilà, tu vois, oui, ça aussi, c'est important. Aussi. Voilà, ça, c'est un des caractères, parce qu'à un moment, on avait fait une tournée, parce qu'on n'avait pas assez d'argent, donc on essayait de recueillir des fonds auprès de camarades. Et souvent, on nous demandait, mais on pourra les consulter, vous allez numériser. Et à chaque fois, je disais non, il y aura le catalogue qui pourra être consulté, mais les livres, il faut venir les lire sur place. Ce n'est pas pour faire de la consommation. Et quoi, c'est... Et en même temps, c'est lire sur place des vrais livres en papier, et puis c'est l'occasion de rencontre. Quand on est chacun derrière son écran, c'est... Il n'y a plus d'humanité, quoi, si c'est chacun dans sa bulle. C'est clair. Et quoi, parce que c'est rigolo, on n'a pas défini l'anarchisme. C'est à la fois vaste, ça englobe l'ensemble de la vie, mais c'est à la fois très simple. L'essence, des fois je dis l'huile essentielle, de l'anarchisme, c'est le refus des rapports de domination, quoi. La domination et la servitude. C'est la lutte à mort contre ces rapports-là. Quoi. Et bah, tout le reste découle de là. Alors des fois, oui, on te dit ouais, 50 000 ans. Oui. On te dit quoi unique. On te dit il y a 50 000 anarchismes. Ah oui. Merde, qu'est-ce qui se passe? Oh. C'est ça qui a bougé. Ah voilà. C'est drôle. Voilà, c'est remis. Oui. J'ai perdu le fil, mais on définissait l'anarchisme. Toi, tu disais qu'il n'y en a pas 50 000. Je disais qu'il y en a même plus de 50 000, puisque chacun de nous est un être unique. Donc, on a chacun sa subjectivité. Mais il y a quand même un grand tronc commun, qui est ce que je disais tout à l'heure, le refus des rapports de domination et de servitude. Quoi. C'est en fait l'anarchisme, c'est une attitude devant le monde, quoi, une façon d'être et de se comporter. Et c'est quoi exactement d'être et de se comporter? Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut. On cherche pas à avoir le pouvoir, on cherche pas à dominer l'autre. On veut pas être dominé et on veut pas non plus dominer, quoi. Ouais, mais ça c'est important. Si tu domines, même si c'est toi le chef, t'es dans un rapport de domination, tu n'es plus libre. Tu es libre. La liberté, c'est la liberté de s'entendre avec les autres humains, quoi. Oui, de se mettre d'accord. Voilà, de se mettre d'accord, parce que. Un humain seul, il meurt rapidement, quoi. On n'est pas équipé pour survivre dans la nature. Oui, parce que l'anarchisme, on croirait que c'est le bordel, quoi. Souvent, il est caricaturé comme ça. Voilà. Oui, alors que l'étymologie, enfin le, oui, anarchisme, c'est-à-dire pas de hiérarchie, pas de gouvernement extérieur à soi. Et voilà, donc c'est réputé être le désordre, le bordel, parce que s'il n'y a pas d'État, c'est la fin du monde. Oui, mais ça, c'est de l'idéologie encore. Absolument, ouais. Absolument. Bah, d'ailleurs, l'État, comme je dis, est arrivé assez tard dans l'histoire des humains, et ce qui prouve bien que... 1800, allez... Non, ça a dû être en moins 4000 ou un truc comme ça. Ah oui, oui, tu parles. Ah oui, oui, oui. 10 000 ans, c'est rien. Ouais. Il y a 5000 ans, quoi, genre. Ouais. Les premiers états, voilà. C'est ça. Les premiers états. Je parlais ici. Ouais. J'avais lu un bouquin comme ça, ça s'appelait La fin des terroirs. Ouais. Et ça expliquait comment la France, tu vois, elle avait plein, comme de tribus, en fait. Enfin, c'était plutôt des petites villes, tu vois, avec leurs particularités, leur langue, leur terre, tu vois. Et puis, comment l'État s'est créé pour former un tout, pour bannir toutes les différences, pour obliger les gens à parler français, tu vois ce que je veux dire. Pour éradiquer l'autonomie, bien sûr, l'État. Oui, c'est ça. La puissance qu'il est maintenant, ça a mis longtemps. La naissance, elle date d'il y a 5000 ans, oui, mettons. Oui, voilà. Alors que l'agriculture, c'est 10 000 ans, tu vois. Donc déjà, et quant à l'humanité, c'est bien plus que ça. Mais effectivement, l'État, le capital, il ne peut pas supporter l'autonomie, parce que si les gens sont autonomes, eh ben, il peut il plus a plus gratter, de capital. Il ne peut plus gratter les fruits du travail. Et donc l'État, il est là pour couper l'autonomie au maximum. Ouais. Et effectivement, dans les années 50 encore, la France, c'était, on peut dire que c'était presque le 19e siècle encore. En pleine royauté, Louis XIV lui-même n'a jamais eu les moyens de surveiller la population avec les moyens qu'ils ont maintenant. Il y avait encore des assemblées villageoises. Il y avait plein d'endroits, mais je parlais tout à l'heure de l'Espagne, mais même en France, il y avait plein d'endroits où les villages avaient une relative autonomie, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de tout contrôler, quoi. Oui, j'ai lu ça aussi, et ça fait plaisir de l'entendre quand même, ouais, parce qu'on nous ferait croire que... Tu sais, on dit souvent, on ne va pas revenir au Moyen-Âge, mais la période du Moyen-Âge, tu vois, il y en avait plusieurs. Mais tu vois, c'est chouette de le dire, que les gens l'entendent, quoi. Que... Non, mais c'est ça, on essaie de nous effacer l'histoire, on continue, on l'efface et ils la racontent à leur manière, quoi. On efface notre mémoire, quoi. C'est ça. Donc, c'est une façon de plus de nous déposséder, effectivement. Et je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Là. Je voulais revenir à cette histoire d'autonomie. Enfin, ça reviendra. En fait, on est plus libre que ce qu'on veut nous faire croire aussi. Tu vois, on a plus été libre que ce qu'on veut nous faire croire. Quoi. Absolument, oui, oui. En groupe, en collectif. Puis ils ont cassé ça. Ils ont fait tout pour casser ça, en fait. Oui, oui. Et sur le plan économique, c'est comme ça que d'ailleurs le capitalisme moderne, disons, parce que... Le virus, il remonte à Rome, il est déjà là. Mais ils ont commencé par chasser les gens de leurs terres. Avant, la France, enfin l'Europe, c'était des paysans, ils étaient assez autonomes. Même quand ils travaillaient pour les seigneurs, il y avait une certaine partie de leur temps qui devait aux seigneurs. Mais après, pour beaucoup de choses, ils étaient autonomes. Ils travaillaient moins qu'on ne travaille maintenant. Et où je voulais en venir? Ouais, tu parlais du capitalisme qui n'était pas... Oui, voilà, qui a commencé par chasser les gens de leurs terres. Ça a été un des moteurs de la Révolution française, parce que Louis XIV avait déjà confisqué les terres communales pour les donner à la noblesse. Est-ce qu'il y avait un double avantage ? Il dépossédait les paysans, donc ça mettait de la main-d'œuvre à disposition, et il achetait la noblesse. Il achetait la paix, lui, pour l'État, parce qu'ils n'étaient pas tous parfaitement sages. Il y a des rivalités, même chez les puissants. Et donc, voilà, ça a commencé comme ça. Et quand Proudhon dit « la propriété, c'est le vol », c'est pas la propriété de ta brosse à dents qui est le vol, c'est la propriété de la terre. Non, je dis ça parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais alors, si n'importe qui peut prendre mes affaires !» Mais c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la propriété de la terre, c'est-à-dire de la possibilité de se nourrir pour les humains, quoi. Et bah après s'être emparé des terres, ils ont développé la technologie. Maintenant, ils ont tout entre les mains, quoi. Il reste 10 minutes. Qu'est-ce que tu vois d'important à dire sur notre discussion ou pas Eh ben, Oui, oui. Ce qu'on n'a pas discuté, hein, tu peux toi amener... Oui, oui, bien sûr. Oui, on n'a pas discuté, on a l'air d'être à peu près d'accord sur beaucoup de choses. Mais oui, oui. Oui, oui. C'est un peu chiant. Hein. Mais si ça vous fait chier, on mettra peut-être de la musique après. Mais voilà, l'important, c'est de nos jours, l'important, c'est de se réassembler. Parce qu'ils ont réussi à éparpiller la société au point que ça devient presque un troupeau de zombies maintenant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être une des périodes de l'histoire où il y a le plus d'individualisme, mais les individus ont disparu. Ils font faire à tout le monde la même chose avec les téléphones, les écrans et compagnie. Quoi. Donc voilà, je crois que l'urgence, elle est déjà de s'entendre, de discuter entre nous, reconstruire ces solidarités qui jusqu'à il n'y a pas bien longtemps, enfin, qui font encore l'humanité dans bien des endroits. Et la solidarité, c'est inhérent à l'humanité. Sans solidarité, il n'y aurait jamais eu d'humanité. Quoi. Et d'ailleurs, je conseille, il y a un livre de Pierre Kropotkine qui s'appelle « L'entraide ». Vas-y. L'entraide, un facteur de... pas du développement, un facteur de l'évolution. Je l'ai lu. Tu l'as lu ? C'est là que j'ai appris qu'il y avait plus d'entraide qu'on le disait, tu vois, voilà. Qu'on fait tout pour qu'on oublie ça, mais en fait, à la base, on était des collectifs et on s'entraidait, parce que sinon, on ne savait pas s'en sortir, tu vois. Et je dirais même que, encore plus que l'humanité, l'entraide, c'est le facteur de l'évolution de tout. C'est même les végétaux, les espèces animales, même entre espèces, il y a de l'entraide. Voilà, c'est la vie, c'est un tout. Oui, alors que le capitalisme ou bien l'idéologie, elle nous dirait, oui, on est en compétition, c'est la loi du plus fort, tu vois. Et comme si on regardait qu'une facette, alors que c'est pas que ça. Ok, on a peut-être ça en nous, mais on n'a pas que ça, on a aussi un autre côté, quoi, qui est aussi puissant, en fait. Exactement, c'est une capacité qu'on a en nous, la compétition, puis si on a réussi à la cultiver, mais ce n'est pas la seule. Sans solidarité, on n'est rien, quoi. Un humain est désarmé devant l'univers. À fond, à fond. Mais ça pue en ce moment, tu ne trouves pas ? C'est grave, tout ce qui se passe, enfin... T'as pas l'impression, ça fait peur, quoi. Et aussi, tu vois, parce que des collectifs comme, par exemple, Reculer ici, tu vois, dans des hameaux un peu tranquilles comme ça, oui, mais à l'échelle plus grosse, enfin, le monde, les villes, là, ça craint, non ? Ça craint, oui, ça craint, justement, pour ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a plein d'individualisme, mais pas d'individu. Il y a des moments, moi, où je me dis, s'il n'y a pas une réaction, sans trop tarder, on va à la fin de l'humanité. Mais une réaction des gens ? Des gens, oui, contre tout ce système. On est dépassé. Si on a cette disparition, c'est l'humanité, c'est pas la planète. La planète, elle s'en sortira toujours d'une manière ou d'une autre. Même à Tchernobyl ou à Fukushima, la planète, elle s'en sort. Mais les humains, peau de balle. Ouais, mais moi, quand je pense aux humains, c'est vraiment un gros enfoiré aussi, hein, l'humain. Tu trouves pas ? Non. C'est pas l'humain, mais il a plein de capacités, quoi. C'est le gros enfoiré, c'est le système. Oui, mais le système, il est géré. Il est géré par des humains. Mais pas par les humains, pas par l'humain. La preuve, c'est qu'il y a des révoltes depuis la création des... Depuis qu'il existe des classes d'oppresseurs et d'opprimés, il y a des révoltes. Ça n'a pas grandement marché jusqu'à présent, mais... Combien de fois on s'est cassé la figure avant de savoir marcher ? Ouais. Ça dépend de chacun un peu, mais c'est sûr qu'on se casse la figure. Mais c'est quand même hallucinant de voir les gens qui sont un peu les chefs du monde, là. Tu vois, ceux qui sont un peu Les tireurs de ficelles. T'imagines, ils en sont encore à jouer à celui qui a la plus grande, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas du tout de... Enfin, c'est quand même... C'est faire la guerre, c'est... Faire la guerre aux autres. Oui. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est des espèces de psychopathes, parce que si ça continue comme ça, si on va dans le mur, ils vont disparaître aussi, comme nous. Hein. C'est pas... Non, mais c'est vraiment... C'est... Vouloir accumuler de telles sommes d'argent et tout, c'est... Pour moi, c'est de la psychopathologie, quoi. Je sais pas ce que tu vas faire avec tout ça. Ils vont mourir, comme tout le monde. Je trouve pourquoi il n'y a pas cette idée de les dégommer plus que ça. Pourquoi, tu vois, on n'a pas une initiative comme ça de les dégommer qui revient... Il y a des siècles de domestication derrière et des envies de dégommer, il y en a. Des tentatives, il y en a un peu moins que des envies, mais et bon... Tu penses à quoi et à qui quand tu dis dégommer Brigade Rouge. C'est le système. Non, c'est même pas. C'est même pas. C'est pas ça que tu veux dire. Bien sûr, parfois, comme ça, tout d'un coup, t'as envie. La bande à Bader. Faudrait qu'ils disparaissent. Non, pour moi, c'est pas ça la bonne voie. Bon, il y a des moments où peut-être il faudra, parce qu'ils vont pas se laisser faire en face. Hein, ça, c'est clair. Témoin de la guerre d'Espagne. Mais c'est un système qu'il faut détruire. Mais comment ? Mais qui est représenté par des gens. Comment ? En organisant nous-mêmes notre propre vie. On ne va pas y arriver du premier coup, mais c'est surtout pas se laissant faire. Il faut arrêter d'obéir. Il faut arrêter de trouver légitime l'obéissance au chef, à l'État et tout ça. Quoi. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir ? Moi, je pense. C'est pas en allant buter les gens, quoi. Non, je crois pas. Non, ça, bah non, parce que t'en butes un, ils en retrouvent trois autres. Tu vois, Non. Moi, je suis pas. Enfin, de nature, je suis non violent. J'ai pas envie, même pas de filer des gifles aux gens, quoi. Mais moi non plus. Voilà. Non, mais à un moment donné, tu vois la violence qu'ils font. À un moment donné, s'ils voient qu'ils sont en train de perdre leur joujou. Ils vont employer la violence. Et là, on sera bien obligé de l'employer aussi pour se défendre. Ils sont plus forts avec les... Pour le moment, ils sont plus forts. Les moyens technologiques développés, là. Ouais. Mais le cerveau aussi, c'est une force, quoi. Les déserteurs, ça existe. Voilà. Eh ben voilà, on apprend que dans le sud-ouest... De la France ? Non, c'est le sud même. On est vraiment dans l'axe nord-sud. Okay. Sud-ouest, c'est plus vers Toulouse. D'accord. Sud-est, vers la Côte d'Azur. Ça me semble évident, c'est très logique. Hein. Sud-sud, alors. Voilà. Sud plein sud. Il y a une bibliothèque, une vraie bibliothèque, pas virtuelle. Des vrais livres en papier. Voilà, avec des vrais livres en papier, ça vaut la peine... de te rencontrer toi hein, aussi. J'imagine que tu vas aussi rencontrer des gens, tu vas discuter de tout ça. Oui, bien sûr. C'est... Déjà, cette histoire du mois d'août que je te dis, c'est fait pour ça. Et quand la bibliothèque va être en état de fonctionnement, on organisera d'autres rencontres hein, comme ça. Chouette. Et quoi, du coup... C'est un lieu de lecture et de rencontre. Eh bien, Suno, merci. Hein ? Eh bien, de rien, j'ai envie de dire, faut pas dire merci. Là, je vais encore parler de David Graeber, qui, dans l'ouvrage en question, parle d'un Inuit qui... Enfin, lui, il rapporte ça. C'est un Inuit qui avait dit ça à un explorateur, peut-être à fin 19e ou début 20e, qu'on ne dit pas merci, puisqu'on est entre égaux. Il disait avec des... Bon, est-ce que je vais y arriver à m'en souvenir ? Avec le fouet, on dresse les chiens avec des cadeaux ou des merci, on fait des esclaves. Ah ouais ? C'est quelque part, dans le merci, il y a une reconnaissance de dette, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça m'a toujours gêné, le merci. Bon, à la fois, c'est une convention. À la fois, c'est une convention, mais j'ai toujours trouvé un petit truc. Et le jour où j'ai lu ça dans Graeber, j'ai dit, voilà pourquoi ça m'embête toujours un peu, le merci. Mais moi, je le dis gratuit. C'est gratuit. Oui, Oui, merci, moi aussi, quoi. Bah, je le dis très souvent, mais ça m'agace quand on me dit merci à moi. Parce qu'on on s'est donné rendez-vous, tu étais là, voilà, ouais. J'ai pris ton temps. Merci, quoi, pour ce partage aussi, c'est ça que ça veut dire. J'entends bien. Et on verra bien le futur, hein, mais le futur du monde, là, ça craint. Hein. Pour le moment, il s'annonce pas bien. Ouais. Pour ça que j'ai dit, il faut une réaction, quoi. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais. Merci, je l'ai dit.